L'actualité à Nancy et ailleurs. Nous allons parler maintenant des 40 ans de la section handisport de Vendeuvre. Léa Daubenton, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire pour le club handisport de Vendeuvre. Et avec vous, eh bien, on va voir un peu ce qui va se passer à l'occasion des 40 ans. Avant de parler un peu du programme de cette journée, hein, ce sera donc le 30 septembre. C'est bien ça, le 30 septembre toute la journée, oui. Alors parlez-nous un peu de cette section handisport de Vendeuvre. Quel sport cela concerne ? Alors nous, à Vendeuvre, on a la chance d'avoir 5 sections handisport, le foot-fauteuil, le basket-fauteuil, l'haltérophilie, du tir à la sarbacane et du tir sportif. Et tout ça en compétition ou en loisir en fonction de la section que les adhérents choisissent. Voilà, il y a aussi bien de la compétition que du loisir. Ça concerne combien d'adhérents ? Là, cette année, on a à peu près 45, mais il y a eu 2-3 ans arrière, on est monté jusqu'à 70 licenciés, donc on est un des gros clubs de handisport sur le Grand Nancy. Voilà, donc il y a encore de la place. Vous accueillez oui. Tout au long de l'année du monde ? Tout au long de l'année, oui, en personne en situation de handicap ou aussi des valides ou des bénévoles. Peu importe la motivation, nous sommes toujours ouverts à tout sujet. Donc pour cela, il suffit de vous contacter directement au club. Hein. C'est ça, oui, ou passer par l'intermédiaire du site internet et donc dessus, il y a nos coordonnées par rapport aux responsables des sections sportives derrière. Une occasion pour venir découvrir un peu tout ce que vous proposez et ce qui se fait, eh bien, c'est les 40 ans hein, qui vont se dérouler donc le 30 septembre à Vendeuvre ou précisément à Vendeuvre. Alors, c'est au parc des sports de Vendeuvre, c'est juste derrière les Nations en fait. On est à côté du parc Richard Pouille, on est vraiment là, l'entrée est gratuite et avec plaisir, venez nombreux nous voir. Alors, ça commencera à 9h30, c'est ça ? 10h, on fait des matchs de foot-fauteuil donc le matin. On oui. accueille l'équipe de Grenoble, l'équipe de Bagé. Nous ferons aussi une démonstration d'haltérophilie et de tir à la sarbacane. Plusieurs démonstrations. Est-ce qu'il y aura la possibilité pour les visiteurs d'essayer ? Alors, en fonction du nombre derrière, je peux vous répondre oui. Oui. Même discuter avec nos adhérents, ça serait très, très, très bien pour vous. Mais bien sûr. Pour tout le monde. Et c'est vrai qu'après, en milieu d'après-midi, nous avons un match officiel de basket-fauteuil. Et là, vous ne pourrez pas essayer du coup la pratique. Mais c'est vraiment un match officiel qui lance la saison sportive 2018-2019. À 15h au Parc des Sports, toujours à Vendeuvre. Voilà, ce sera l'occasion d'encourager les joueurs, justement. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a une spécialité qui rencontre plus de succès ? C'est vrai que le basket-fauteuil est plus connu, mais le foot-fauteuil, quand même, commence à persévérer et se montre de plus en plus parce que du coup l'équipe de France est championne du monde en 2017 et nous on est un des gros clubs sur la région Grand Est, on est quasiment le seul en compétition ici sur le Grand Est. Ça montre qu'on a toujours envie de vouloir faire plus et on accueille beaucoup de jeunes aussi. Et le club a 40 ans cette année, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une belle histoire, je suis dedans depuis toute petite parce que mon père était président avant et il m'a entraînée là-dedans et j'ai toujours adoré participer aux activités du club justement. Il y a des adhérents autour, il y a les joueurs bien sûr, les personnes qui viennent en sport loisir, mais il y a aussi un entourage ? Oui, il y a toujours une équipe encadrante derrière, j'ai de la chance d'avoir des bénévoles, on a aussi du monde derrière nous qui nous soutient même s'ils ne sont pas tout le temps avec nous et c'est toujours fort agréable. Cet anniversaire des 40 ans, c'est le dimanche 30 septembre, je le rappelle. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie de venir vous rencontrer, puis discuter un peu, et puis donner envie peut-être à d'autres de se lancer ? Venez nous voir nombreux. L'entrée est gratuite. Franchement, on vous accueille avec plaisir. On est là pour échanger avec vous aussi. Et c'est vraiment un moment fort, fort sympa. Et le site internet pour avoir plus d'infos, c'est lequel ? Alors, c'est handisport-vendeuf.com. Voilà, tout simplement, on retrouve tout ça sur le site de la radio, fadjet.net. Léa Daubenton, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.